Jean Bosco, Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La Banque de la République du Burundi vient de fixer à 10% le taux directeur pour les crédits contractés auprès de toutes les banques. Les précisions, c'est dans ce journal. L'avocat conseil Fabien Segatoua recommande au pouvoir public de sanctionner les agents de l'ordre judiciaire qui font fi de la présomption d'innocence en privilégiant la détention préventive. Réaction intervenue après la dénonciation de ces cas par la ministre de la Justice. Et dans la série de reportages sur le délaissement parental, aujourd'hui nous vous conduisons en Provence Bouvanza. Là-bas, la pauvreté et les unions libres sont les principales causes de ce phénomène. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouverture ce vendredi de la session ordinaire de décembre des deux chambres du Parlement burundais. Dans leur discours, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont respectivement indiqué que parmi les projets de loi qui seront examinés, figure entre autres celui portant réorganisation du secteur de l'électricité et aussi celui de la gestion de la dette publique. De son côté, le président du Sénat rappelle à ses élus du peuple que leurs tâches ne se limitent pas uniquement à l'analyse et adoption des projets de loi. Ils doivent aussi rester aux côtés de la population électrice, car, dit-il, c'est à la population d'attribuer aux parlementaires une note qu'ils méritent. Je venais de vous le dire dans les titres, la Banque de la République du Burundi vient de fixer à 10% le taux directeur pour les crédits contractés auprès de toutes les banques, annonce faite ce vendredi par le gouverneur de la Banque centrale, qui précise que cette mesure se veut comme un nouvel instrument de politique monétaire. Édouard Normand Bigendako a également déclaré que les comptes en devise des ONG seront transférés dans les banques commerciales, et cela à partir de janvier 2024, suivez les précisions du gouverneur de la BRB. L'inflation globale s'est établie à 27,2% au troisième trimestre 2023 contre 19,8% au même trimestre de 2022. L'inflation sous-jacente poursuit une tendance baissière. Elle est passée de 19,3% au second trimestre de 2023 à 18% au troisième trimestre, grâce en partie à la mise en œuvre de la politique monétaire restrictive. Au niveau monétaire, la base monétaire a augmenté de 3,7% par rapport au trimestre précédent, en liaison avec l'augmentation des avoirs intérieurs nets, et la masse monétaire s'est accrue de 4,4% de la fait d'un trimestre à l'autre. Une politique monétaire efficace pour stabiliser l'inflation. Dans cette optique, la Banque centrale s'engage à adopter une approche prudente et adaptative pour assurer la stabilité des prix en priorité et s'occuper de la stimulation de l'activité économique par après. Pour y arriver, la Banque de la République du Burundi annonce les mesures suivantes. Premièrement, il y a le maintien d'une politique monétaire restrictive pour le quatrième trimestre. Il y a, deuxièmement, l'adoption du taux directeur comme un nouvel instrument de politique monétaire et ce taux est fixé à 10% pour le quatrième trimestre 2023. En rapport avec la politique de change, la BRB s'engage à poursuivre le processus de libéralisation du marché de change. Ainsi, la Banque centrale va transférer les comptes en devise des ONG et autres entités privées aux banques commerciales à partir du 1er janvier 2024. La BRB s'engage à suivre de près les évolutions économiques internationales, régionales et nationales pour prendre les mesures appropriées au moment opportun. Édouard Normand Bigendako, c'est le gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Les agents de l'ordre judiciaire responsables de la surpopulation carcérale devraient être retirés de cette institution. Réaction de maître Fabien Segatoua après que le ministre de la Justice ait récemment déclaré que les prisons ont dépassé largement leur capacité d'accueil parce que les parquets se précipitent quelquefois de mettre des gens en détention préventive. Cet avocat conseil trouve que les pouvoirs publics devraient dépasser cette phase de dénoncer, mais plutôt de sanctionner pour que cela serve de leçon en vue de la protection efficace des prisonniers. Suivez-le. Un magistrat qui détient quelqu'un sans suivre les règles de procédure, eh bien, il est poursuivi aussi. Si on pouvait le poursuivre pour cette infraction-là, ça peut décourager les gens qui mettent les gens en prison. Autre chose, je pense, qui fait qu'il y a trop de gens en prison, c'est le fait qu'il y a la suspicion entre les administratifs eux-mêmes. On ne laisse pas au directeur de la prison la latitude de voir les gens à libérer. On ne laisse pas au juge la latitude de libérer. Alors que la loi dit que quelqu'un doit être mis dans la situation où le juge l'a mis. Si le juge l'a libéré, le magistrat n'a pas à intervenir. On signifie au directeur de la prison et le directeur de la prison, au vu de la décision du juge, le libère. En fait, sous d'autres cieux, lorsque, au cours de l'audience, on déclare un prévenu libre, eh bien, il est libre sur le champ. Il ne retourne même pas en prison. Il y retourne en prison pour aller chercher ses affaires. Si les autorités publiques au plus haut sommet dénoncent cette situation de surpopulation carcérale, est-ce qu'il y aurait une autre phase que de telles autorités devraient franchir? Ce n'est que le respect de la loi. Celui qui ne respecte pas la loi, alors qu'il est chargé du respect de la loi, il ne devrait pas rester magistrat. Si on trouve que 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou bien si on trouve que de tels dossiers sont en surnombre devant un même magistrat qui n'arrive pas à respecter les règles de procédure, on le remercie. Mais aujourd'hui, on regrette, il y a des commissions, mais ceux qui commettent les mêmes fautes continuent à les commettre impunément. On dit n'emprisonnez pas pour des affaires civiles, mais on continue d'emprisonner pour des affaires civiles. Ça ne se fait plus parce que le Burundi a déjà ratifié les conventions des droits de l'homme qui disent qu'on ne peut pas être emprisonné pour des dettes civiles. Maître Fabien Segatwa. Une femme sexagénaire originaire de la colline Muhanga dans la province Kayanza a été tuée à coups de poignard à l'aide d'un couteau la nuit de jeudi à vendredi. Benoît Ndaïzeye, administrateur communal qui confirme les informations, indique que les mobiles de son meurtre seraient liés aux conflits familiaux. 5 personnes, dont le mari de la victime et ses fils, ont été arrêtées pour enquête judiciaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la série de reportages sur le délaissement parental, aujourd'hui, nous vous conduisons en Provence et Bouvanza où certains enfants sont abandonnés par leurs parents, surtout les hommes, à cause de la pauvreté. D'autres raisons qui favorisent ce phénomène sont les unions libres. Et les enfants sont les premiers à en subir les conséquences. Le chef de cabinet du gouverneur dans la province Bouvanza dit que l'administration multiplie les séances de sensibilisation pour que les couples s'unissent légalement. Ornella Mucho. Kubera tatugurira makaye uniforme n'icyampitamwe guheba ishyuwe. Abahanura bareke kutingo. Des enfants de la colline Chali 1, c'est en commune et province Bouvanza, se lamentent qu'ils ont abandonné l'école suite à la négligence de leurs parents. Les sources de conflits au foyer sont à l'origine du délaissement parental, surtout chez les couples en union libre. Et comme conséquence, un seul parent est dans les capacités de subvenir à tous les besoins familiaux. Manilumba Isaac, un jeune garçon de 13 ans, a abandonné l'école suite à ces conflits familiaux. J'ai abandonné l'école parce que ma mère ne peut pas acheter le matériel scolaire en même temps que nous faire manger. Pour limiter ces conflits, une mère de 4 enfants victime de cette situation conseille aux jeunes filles d'éviter les unions libres, surtout pour le bien de leurs enfants. On n'a pas fait de mariage légal. Il a juré qu'il ne peut pas faire le mariage légal avec moi, car pour lui, je ne vaux rien. Alors, il m'est impossible d'envoyer les enfants à l'école, alors que toutes les charges sont sur moi. Les 2000 ou 2500 qu'on m'opère après les travaux champêtres ne peuvent pas suffire. Alors, je profite de cette occasion pour conseiller à toutes les jeunes filles de ne jamais faire cette erreur de vivre en union libre. Car souvent, l'homme finit par t'abandonner. Le chef de cabinet, sur ce, l'administration a le rôle de sensibiliser dans différentes réunions sur les conséquences liées aux unions libres et sur l'avantage de limiter les naissances précises. Le chef de cabinet du gouverneur en province Bouvanza, Jean Bosco Nduimana. Nous avons le devoir de sensibiliser les parents. Au cours des réunions, nous faisons des tournois dans toutes les communes tous les jeudis. Dans les réunions de sécurité, on n'oublie pas cette question de sensibiliser les parents à ce qu'ils prennent à charge de donner des enfants, de l'éducation de donner des enfants. Ce que nous conseillons à ces parents, il faut d'abord faire une planification des enfants qu'ils vont avoir. Avant même le mariage, nous allons avoir combien d'enfants? Est-ce que nous sommes capables d'éduquer combien d'enfants? Il ajoute qu'il y a le programme des pères et des tantes dans tous les établissements scolaires pour renforcer l'éducation et assurer un encadrement de qualité. On est là, mucho. Les nouveaux cas d'infection au VIH ont augmenté selon une étude menée par le ministère de la Santé en 2021. Révélation faite lors d'un atelier organisé par le ministère à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le sida. Le secrétaire exécutif permanent du Conseil national pour la lutte contre le sida indique que ce phénomène est dû au cas de transmission mère-enfant. Jean-Baptiste Enzo Rironghangoudze appelle les femmes à se faire dépister chaque fois pour se protéger et ainsi préserver l'avenir de leur progéniture. Suivez-le. Il remarque que la population n'observe plus comme avant les mesures de prévention et de lutte contre le VIH. Les femmes enceintes où on voit qu'il y a une augmentation des enfants attrapent du VIH de leur mère, la porte d'entrée c'est la consultation prénatale précoce, c'est-à-dire une consultation pendant les 3 premiers mois de la grossesse où les prestataires en profitent pour le dépistage du VIH et une fois que la femme est porteuse du VIH-SIDA, elle est mise directement sous traitement à élever pour protéger sa santé, mais surtout protéger la santé de l'enfant. Et nous les interpellons une fois que le test a été positif, de rendre le traitement comme indiqué par les responsables sanitaires jusqu'à l'accouchement et même pendant la période d'allaitement, étant donné que l'enfant est contaminé par le VIH dans 3 situations. Pendant la grossesse, surtout au dernier mois de la grossesse, lors de l'accouchement, et enfin pendant la période d'allaitement. Si une mère est séropositive et qu'elle a respecté les conseils des médecins, l'enfant aura une bonne santé et ne sera infecté par le VIH-SIDA. Hygiène à présent au Burundi est appelée à faire sienne la campagne pour un environnement sain, privé de tout déchet de quelque nature que ce soit. Cet appel est de Nestor Girukwishaka, directeur général de l'eau potable et d'assainissement de base ce vendredi à Rumonge, lors de la célébration au Burundi de la Journée mondiale des toilettes. Pour lui, si chacun se construit une latrine améliorée et qu'il utilise convenablement, les maladies des mains sales seront combattues et les déchets des latrines seront utilisés à d'autres fins. Jean-Pierre Misako. Dans son discours de circonstance, Nestor Ngirukwishaka, directeur général de l'eau potable et de l'assainissement de base, qui avait représenté le ministère ayant l'eau potable dans ses attributions, a déclaré, sans être précis, que les données statistiques dont dispose son ministère montrent que des latrines adéquates font défaut dans les ménages, dans les écoles, dans les marchés et dans d'autres lieux publics. Pour cela, ce directeur général voudrait qu'à la prochaine célébration de la Journée mondiale des toilettes, il n'y ait plus de ménage ou de lieu public sans latrines améliorées et correctement utilisées, ce qui permettra de lutter efficacement contre les maladies des mains sales. Et étant en bonne santé, la population s'attellera au travail, socle du développement. Par ailleurs, poursuit-il, les déchets des toilettes ne sont plus un problème, mais peuvent actuellement être utilisés comme fertilisants ou être une source d'énergie, évoquant ici le biogaz. Dans cette logique, les administratifs, les associations locales et les organisations non gouvernementales sont appelés à une synergie dans la campagne de sensibilisation de la population pour une bonne latrinisation afin d'avoir une bonne santé. Cette journée, normalement célébrée le 19 novembre de chaque année, a été célébré au Burundi ce 1er décembre courant sous le thème « Accélérer le changement pour offrir des services d'assainissement gérés en toute sécurité ». Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et en actualité internationale, en Guinée-Bissau, l'armée a annoncé que la situation était totalement sous contrôle après l'arrestation du chef de la garde nationale après-midi ce vendredi. Depuis la nuit de ce jeudi à vendredi, cette unité retranchée dans une caserne de Bissau affronter les forces spéciales. Ces échanges de tirs faisaient suite à ce qui s'apparente à une tentative d'évasion de deux hautes personnalités de l'État soupçonnées de corruption. Le commandant qui dirigeait cette opération s'est finalement rendu. Il s'agit du colonel Victor Tchongo. Il commandait donc les éléments de la garde nationale qui ont exfiltré de leurs cellules. La nuit du 30 novembre 2023, le ministre de l'économie Souleymane Seydi et le secrétaire d'État au trésor public Antonio Monteiro. Et des représentants iraniens ont quitté ce vendredi 1er décembre la COP28, les négociations de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et c'est pour protester contre la présence d'une délégation d'Israéliens, a rapporté un média d'État repris par l'agence France Presse. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.